first poem, on the nacreous background of an extraterrestrial shell. A figure from the unfathomable land, hidden in the veins of time. Novelty is sitting at my side, and the love of children. This is the night of shadowy bodies, floating eel dancers. Underneath the surface, the caterpillar beauty is creeping towards freedom. And I read Mr. Keats, who entered contest of cricket sonnets in honor of Shakespeare. Premier poème, sur le fond nacré d'un coquillage extraterrestre, personnage du pays insondable, caché dans les veines du temps. La nouveauté assise à mes côtés, l'amour des enfants. C'est la nuit des corps devinés, les danseuses en guille au-dessous de la surface. La chenille beauté rampe vers la liberté. Et je lis Mr. Keats, qui faisait des concours de sonnets grillons en l'honneur de Shakespeare.